7h04. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Marie Vianney, je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui c'est samedi le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26. 20. Le 26 juillet 2008, j'aime bien faire ça. Il y a un pays qui fête ses 163 ans aujourd'hui. 163 ans, on est au Libéria, c'est ça? Exactement. Voilà, un des pays africains qui n'a pas été, entre guillemets, colonisé, même si la colonisation s'est faite par ses propres... Ce qu'on appelle les Congos. La Black Colonization. Parce que ceux qui sont repartis en Afrique parce qu'ils voulaient la terre promise, nos frères noirs américains... Qui ont reproduit le système, ils ont reproduit ce qu'ils ont copié chez l'esclavagiste blanc. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est une façon de vous dire bonjour ce matin. Alors, on est avec nous en studio parce que nous sommes en direct... on vous rappelle que nous sommes en direct depuis le cœur de l'Université d'Ottawa, j'aime bien dire ça. Et nous avons un invité. Awasi Mbambi Kungua. Oui, on va définir comme un philosophe pour le moment. Philosophe? Philosophe, théologien et sociologue. Une façon de vous dire bonjour. L'Afrique vous dit bonjour. Merci beaucoup Jean-Marie, merci beaucoup Bruno. Merci de vous être levé tôt et de venir parler aux Africains. Le plaisir est le mien et j'encourage votre émission, surtout sur la focalisation sur le pôle réflexion et critique. Voilà, donc il est 7h06, c'est l'introduction de notre émission. On vous rappelle que le numéro de téléphone c'est le 635-62-59-67. Nous sommes en direct et nous attendons d'avoir vos commentaires. Et dans les prochaines minutes, nous allons, des 5 minutes en Afrique, nous aurons un extrait de quelqu'un de notre correspondant qui est en Afrique, qui est au Cameroun. Donc, il va nous parler d'un extrait qu'il nous envoie chaque semaine. Alors, on a quelque chose qu'on a préparé pour vous et entre-temps, nous aurons entretenu toute l'émission pendant une heure avec monsieur le philosophe que nous avons bien avant avec nous ici en studio. Voilà. On est prêt pour ça? Oui. Allez, on y va. Donc, on se réveille avec... ça, c'est une exclusivité qu'on vous passe en... Il s'appelle le Garnet Challenger. C'est un Africain des Caraïbes. Alors, le titre de la chanson... laissez-moi voir. A little prayer to open heaven gates. Voilà, une petite prière pour ouvrir les portes du paradis. Donc, c'est tiré de l'album, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Hein? Garnet Challenger Awakening, c'est le réveil. Donc, il est 7h du matin, on se réveille avec Bienvenue lui. À Afrique Plus 89.1 CHUFM. Revealing everything from Genesis to Revelation, from Jah cometh the law to live by every day. A little prayer to open heaven's door. Lord, I know to talk to my father. Must make the connection directly, yeah. Collégial d'Ottawa répond à vos besoins pour accéder au marché du travail. C'est le seul collège de langue française de la région d'Ottawa et il offre plus de 80 programmes d'études. La majorité de ces programmes donnent la chance de faire des stages en milieu de travail. Vous venez de terminer vos études secondaires, vous voulez changer votre carrière ou vous êtes immigrante nouvellement arrivée? Faites votre demande d'admission dès septembre et courez la chance de gagner une bourse d'études de 1 000 $. Pour plus d'informations, composez le 613-742-2483, poste 2420. Cinq minutes en Afrique, Bruno, c'est parti, top chrono. 7h11, 5 minutes en Afrique et dans le monde, hein, en fait. L'Afrique fait partie du monde. L'Afrique, c'est le monde. Le monde, ouais. C'est l'Afrique. En tout cas, pour nous, l'Afrique est au cœur de tout. Voilà. On va commencer par la RD Congo. Au moins 47 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation sur la rivière Ubangi. Plusieurs sont portés disparus. Seuls 27 survivants sur les 182 passagers, en fait. Le bateau était parti de la ville de Mobayi Bongo, je pense, et devait se rendre, en fait, en République centrafricaine. MSF a été expulsé du Niger. L'ordre de fermeture est venu de l'intérieur. Entendez par là, ministre de l'Intérieur. Yaoundé, 10 insurgés et 2 soldats seraient morts lors d'une attaque rebelle sur la péninsule de Bakassi. 8 assaillants auraient été arrêtés. Encore sans doute des laissés pour compte du pétrole qui prennent les armes. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que tu... Jean-Marie, le MEND? J'ai aucune idée, en fait. Est-ce que c'est un mouvement qu'on retrouve au delta du Niger, là, le Nigeria? Ah, ils sont en train de lutter pour le pétrole, hein, non? Oui, voilà. Mais donc là, dans le cas qui nous préoccupe, si le Cameroun veut conserver Bakassi, il va falloir se préparer parce que le porte-parole de ce nouveau mouvement a été clair. Il y aura d'autres attaques à prévoir. Donc, aujourd'hui également, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la presse? Quelque chose, en tout cas, qui nous a intéressé ici à Afrique Plus et dont on a envie de vous en parler. C'est un Tchadien dit savoir comment Ibni Oumar a été assassiné. Ibni Oumar, c'est cet opposant de Déby, en fait, qui avait été arrêté en même temps que Ngarleji Yorongar et puis un autre opposant à Déby Itno. Et Yorongar a été retrouvé, on sait, il a raconté un peu ce qui lui était arrivé dans les geôles de ce sacré Déby. Mmh. Sacré Déby, sacré brigand. Il est toujours là, oui. Oui, toujours est soutenu par Paris et le petit Sarkozy. On va dire petit parce qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'il soit très grand. Il a le même fournisseur de chaussures que Omar Bongo. Ça, c'est juste une astuce pour vous, les amis. En plus, on les appelle pas dictateurs. Mais en Occident, on pointe plus du doigt Robert Mugabe. Oui, c'est surtout Mugabe qui fait la une. Mais donc, pour en revenir à Ibni Oumar, il semblerait que finalement, il a été assassiné et l'ordre est venu de la présidence. Après avoir été, bien sûr, torturé, maltraité de toutes sortes, notamment lors de son transfert quand ils sont allés le cueillir à son domicile. Et il semblerait également qu'il y a un médecin français du nom de Daniel Gout qui a établi un rapport au chef de l'opération Épervier avec copie à l'ambassadeur de France, N'Djamena, qui a immédiatement informé Paris, donc le Quai d'Orsay et l'Élysée. Le corps de Ibni Oumar a été présenté à Déby Itno qui a donné l'ordre pour qu'on l'enterre. Était présent à cette macabre exhibition Ismaël Mahamat Chaibo, le directeur général de l'ANS, et Mahamat Ali Abdallah, le chef des opérations. Donc, quand on nous dit il y aura enquête, parce que pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Ibni Oumar, il semblerait pourtant que les faits sont là, il a été assassiné. Il est temps de demander l'aide et l'assistance d'Amnesty International, de Human Rights Watch et de la FIDH pour que les juridictions internationales soient saisies en déposant une plainte contre Debbie Itno et ses complices pour enlèvement, séquestration, torture et mise à mort. Que les enfants et les parents d'Ibni Oumar sachent une fois pour toutes que Debbie Itno l'a kidnappé et assassiné. Que chacun d'eux prenne ses responsabilités et s'assume. Tout crime mérite châtiment. Donc vous pouvez retrouver ça sur le net. Donc allez fouiller un peu sur l'assassinat de Ibni Oumar Mohamed Saleh. L'autre chose que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Transparency International, mais donc cette fameuse association qui lutte en fait pour le pour une transparence dans les finances et pour, qui lutte en fait contre la corruption par la dénonciation. Et Transparency International, il faut rappeler que chaque année, ils viennent avec le taux d'indice de corruption de par le monde, mais la plupart du temps, ils indiquent... On voit là-dedans, c'est plus les pays du tiers-monde qui sont pointés du doigt. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même s'il n'y a pas de corrompus sans... C'est un corrupteur, voilà. Merci Jean-Marie. Ça marche. L'autre chose donc, par rapport à ça, donc, c'est qu'il y a quelques mois, plusieurs associations françaises, dont Sherpa et Survie, avaient porté plainte pour corruption, abus et détournement de fonds contre plusieurs chefs d'État étrangers, donc Bongo, Sassou et également Blaise, ainsi que notre ami de Yaoundé. Paul Biya. Oui, mais l'affaire avait été classée puisqu'en fait l'enquête de Paulus avait conclu que c'était pas vraiment nécessaire de fouiller, mais surtout on peut se rappeler que les Gabonais s'étaient un peu énervés et que donc Paris avait dû faire un peu de pression sur le parquet pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Mais là donc Transparency International, sur la base de nouveaux éléments, a pu remettre cette affaire au goût du jour et donc il semblerait que désormais il y ait une affaire qui pourrait débuter. Donc attention. La bonne nouvelle que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, c'est le secrétaire d'État Ban Ki-moon qui a officiellement désigné comme juge pour succéder à Louise Arbour comme haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, donc une Sud-Africaine qui s'appelle Navanethem Pillay. Souhaitons lui bonne route et bon courage parce qu'il y aura beaucoup d'ouvrages à abattre. La chose qu'on a utilisée cette semaine également pour un peu nous endormir et nous faire penser à autre chose, c'est entre la Libye et la Suisse. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Je connais Hannibal, un des fils de Monsieur Kadhafi, aurait été arrêté et détenu pendant quelques heures parce qu'il aurait maltraité. Donc, il faut évidemment prendre tout ça avec des pincettes et faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont plus puissants que d'autres. Et donc, ce qui s'est passé, donc, quand il a été arrêté donc, pour... maltraitance supposée envers donc, des domestiques. Tout à fait, parce qu'il faut rappeler que le système européen est encore un système à il faut avoir des domestiques. J'étais en Suisse, je connais assez bien. Ouais. Oui, mais là, on parle vraiment du fils de Kadhafi, oui. Donc c'est sûr que... On peut se serrer des pompes en Europe, beaucoup, avec les domestiques et tout ça. Donc, Le serrage de pompes est partout, Jean-Marie. Mais là, je l'ai vu, revenant du Canada et d'Afrique, je l'ai vu, c'était assez frappant. Quoi. Donc, ce qui s'est passé, donc la Libye a vraiment fortement menacé la Suisse et a mis en œuvre une partie de ces menaces, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'arrêter leur... de fournir du pétrole à la Suisse. Ils ont décidé de rompre une partie de leurs relations avec la Suisse. Ils ont mis en inculpation pour séjour illégal deux ressortissants suisses. Et donc, ces pauvres personnes qui sont victimes, en fait, de ce jeu de farce entre deux États pour une histoire, donc, qui normalement devrait être réglée par la justice, devient donc une affaire d'État, une affaire diplomatique très poussée. Donc attendons de voir si la Suisse pliera et classera sans suite l'affaire qui vient de s'ouvrir donc contre le fils de Kadhafi. Rappelons que Hannibal n'en est pas à ses premières frasques, puisqu'il y a quelques années maintenant, il avait déjà été pris à Paris à plus de 140 km/h, et que lorsque la police a voulu l'interpeller, il y a eu des échauffourées, mais... Paris a vite plié puisque très rapidement il a été libéré. En ces temps de crise en Côte d'Ivoire, comme les semaines précédentes déjà, Les transporteurs sont en grève dans la capitale notamment parce que justement la vie chère, ça coûte cher à tout le monde et tout le monde a besoin d'un soutien. Donc c'est ça, on est dans le contexte de la globalisation, mondialisation là. Quand l'essence monte ici, ça monte partout, même dans les villages les plus reculés d'Afrique. C'est ça. Et donc ben, les gens en ont vraiment marre en Afrique en ce moment parce que toutes les denrées de base sont devenues extrêmement dispendieuses. Toujours en Côte d'Ivoire, donc le pauvre Laurent Gbagbo, en tout cas, le juge Patrick Ramael saisit un dossier à l'Élysée justement concernant la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer. Donc après avoir essayé de convoquer Madame Gbagbo et Monsieur Boun Boabré, désormais il a trouvé des documents à l'Élysée. Zimbabwe encore et toujours. Une miche de pain coûte 100 milliards de dollars zimbabwéens selon le cours officiel. Ça, c'était au courant de la semaine. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, peut-être qu'il faut rajouter encore un zéro ou multiplier par 4. Parce que l'inflation va tellement vite. Un kilo de viande, 450 milliards de dollars zimbabwéens. Bon, si on relativise un peu maintenant en disant ben, ça fait environ 5,60 $ en US, ben, ça vous donne une idée également. Et donc les gens sont obligés de se déplacer avec des... Jean-Marie, les trucs qu'on pousse là. Des pousses. Des brouettes remplies de billets. Et désormais, on pourrait croire que le papier qu'on utilise pour fabriquer les billets coûte plus cher que l'argent lui-même. Pauvre Zimbabwe. Oui, pauvre Zimbabwe. Et tout ça à cause de... On ne dira pas que c'est uniquement à cause de Mugabe. Parce que Mugabe n'est pas tout seul dans cette affaire, même si certains aimeraient nous faire croire que c'est à cause de ses très mauvaises décisions et de la façon dont il gère le pays que tout est en train de sombrer. C'est vrai qu'il y est pour quelque chose, mais pas à 100%, dirons-nous. Qu'est-ce que je peux rajouter aujourd'hui, Jean-Marie ? Déjà que j'ai dépassé mes 5 minutes habituelles, voilà. Parce que j'avais envie de développer certains sujets, parce que effectivement, ça, c'était important de le rappeler. Chers auditeurs, il y a un site très intéressant si vous cherchez des informations sur l'Afrique. Ça s'appelle Agence de presse africaine, APA. Et en général, vous avez des nouvelles assez fraîches sur le continent. Alors pensez à aller jeter un coup d'œil. Vous tapez sur Google ou sur un autre moteur de recherche, Agence de presse africaine, APA. Vous allez avoir accès à ce site. Donc ça va vous donner pas mal d'informations sur l'Afrique. Avant de peut-être finir, Lilongwe au Malawi. Je suis sûr que Jean-Marie n'aurait pas trouvé le nom du pays si j'avais dit... Lilongwe, c'est la capitale du Malawi, oui. Ouais. Donc la commission électorale a annoncé un budget de 20 500 000 dollars pour financer les inscriptions sur les listes électorales en vue du scrutin présidentiel et législatif de 2009. Espérons que tout va bien se passer. Au Sénégal, on a adopté une nouvelle... un amendement constitutionnel, en fait, pour confirmer la compétence de la justice sénégalaise pour juger des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés par le passé. Donc, désormais, Human Rights Watch s'en félicite et dit que, normalement, Hissène Habré devrait pouvoir être jugé. Merci et attendons de voir si Hissène, qui a dirigé le Tchad de 82 à 90, jusqu'à sa fuite vers le Sénégal lors de la prise de pouvoir par Déby Itno, sera effectivement jugé et qu'est-ce que ça va donner. Thabo Mbeki était cette semaine en France où il a participé en fait au premier sommet entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. En même temps, il a pu croiser son ami Sarkozy. Ben, espérons qu'ils se sont dit des choses intéressantes et que les choses vont continuer à avancer. Jean-Marie, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre si on a un petit instant ? Allons voir, si tu n'as rien, je peux rajouter quelque chose. J'ai envie de parler aussi de Moussa Kaka, oui. Ce journaliste qui était le correspondant d'une radio internationale française. Et qui est emprisonné au Niger. Qui est emprisonné au Niger depuis plus de 6 mois maintenant. Normalement, il devrait être libre à l'heure où on se parle parce que il y avait une décision de justice qui permettait qu'on le libère. Mmh. Mais le parquet a encore une fois fait appel. Et comme l'appel est suspensif, Moussa Kaka devra attendre une fois de plus que l'appel soit examiné. Voilà. Jean-Marie. Écoute, c'est impératif de passer cette information-là. Le Zimbabwe, tu as parlé de ça tout à l'heure, continue aussi à inspirer les articles à la presse allemande. Ils disent que là-bas, qu'il n'est pas question notamment d'une possible collision entre le régime de Robert Mugabe et les miliciens. Il y a une possible collision entre le régime de Mugabe et les miliciens hutus rwandais. Il y a un lien. Alors, pour dire que l'attaque Zaïtion relève que le gouvernement de Robert Mugabe aurait recruté des miliciens hutus rwandais et d'autres mercenaires africains pour renforcer la campagne de terreur contre les partisans de l'opposition avant le second tour de l'élection présidentielle. Jean-Marie, ce n'est pas une information nouvelle. Non. Ces mêmes miliciens hutus, à un moment donné, ont été utilisés au Cameroun. Moi, je vais faire le Ce sont des mercenaires. Je vais faire le rapprochement entre le Mugabe et les dernières semaines. Nous avons eu l'apparition de M. Paul Kagame, qui était l'un des seuls à vouloir critiquer le président Mugabe. Donc, pour dire que cette critique de Kagame n'était pas des critiques anodines. Donc, c'est pour dire que Mugabe, il avait des Hutus, parce que Kagame, il est Tutsi. Donc, voilà. On va retourner au Libéria. Retournons au Libéria, c'est mieux. Cinq anciens chefs d'État africains sont arrivés entre jeudi et vendredi au Libéria, puisqu'ils vont participer à la célébration, donc ce samedi, du 161e anniversaire de la création du pays. Pourquoi des anciens présidents se sont déplacés et pas des présidents actuels d'envergure? Moi, c'est une question qui me taraude, en fait. Parce que le Libéria est quand même un pays qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus et qu'on les aide à s'en sortir. Il faut rappeler pour le Libéria, et quand je lisais par rapport à ce pays, que les anciens descendants d'esclaves qui sont arrivés au Libéria ont régné pendant 100 ans, plus de 100 ans. Donc ils ont eu le pouvoir pendant plus de 100 ans sans partage par rapport aux indigènes, si vous permettez l'expression. Aux autochtones, aux populations locales qui étaient là. Donc c'est ce qui a révolté la population qui est autochtone, qui est africaine aussi. Et pour une façon de dire qu'il faut faire attention souvent quand on a le pouvoir, parce que le pouvoir corrompt, le pouvoir peut être dangereux, et le pouvoir parfois peut tendre et amener des gens à des comportements assez nuisibles pour leurs semblables. Nous avons le pouvoir de la parole pendant au moins une heure, alors profitons-en pour dire un peu plus de choses par rapport à ce qu'on ne verrait pas ailleurs à la radio ou dans la presse. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs. Et on va poursuivre très prochainement avec notre invité, donc Benoît Awazim Bambi Kungua, que nous avons défini simplement comme un philosophe, mais en même temps c'est un sociologue. Il s'intéresse à la politique et il fait de l'anthropologie culturelle et religieuse également. Donc il a deux livres qu'il a publiés qui sont sur les bacs. Les deux livres sont là. Jean-Marie. Voilà, j'ai avec moi Panorama des théologies négo-africaines anglophones. C'est tiré de publié par l'Armatan, les éditions Église d'Afrique, Benoît Awazi Bambi Kungua. C'est déjà dans les bacs. Vous pouvez vous le procurer, mesdames et messieurs, et c'est impératif. Donc, on va parler de ce sujet-là avec lui. Et l'autre livre. Le deuxième livre, donc Le Dieu crucifié en Afrique, toujours et encore du même auteur, et qui est toujours donc aux éditions de l'Armatan. Le Dieu crucifié en Afrique. Donc, Jean-Marie. Voilà, donc on fait une courte pause publicitaire et musicale et on revient avec notre invité ici. On vous rappelle que nous sommes en direct, c'est le 562-59-67. Vous êtes libre de pouvoir prendre part à notre émission. Mesdames et messieurs, ne quittez pas. Vous voulez obtenir votre permis de conduire? L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878. Jocelyn Elinor est maintenant un agent CAN Transfert. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878. Je te regarde et touche pas moi. Je vous regarde et puis je vois l'eau. Je vois l'eau, je vois vous. Voilà, étranger, c'est un autre Africain d'ici. Voilà, il s'appelle Popo Le Boy. Et c'est en exclusivité que vous écoutez ça, notre émission. Quand la chanson sera grande, vous allez dire, ah, c'est la première fois qu'on l'écoute. Vous l'avez déjà écouté chez nous. Alors, c'est l'année prochaine que ça sort. Donc, c'est une façon de vous dire qu'il est là. Et s'il nous écoute, on profite de l'occasion pour lui dire bonjour à ceux et celles qui prennent l'écoute à l'émission africaine ce matin. Voilà, il est 7h31, nous avons Benoît Wazi Bambi Kungwa avec nous en studio. Il a écrit « Dieu crucifié en Afrique », le « Dieu crucifié en Afrique » publié par l'Harmattan et « Panorama des théologies négo-africaines anglophones ». Voilà, deux livres qui sont, nous avons l'auteur ici et deux livres qui sont disponibles à la librairie de l'Université Saint-Paul et dans les autres librairies de la capitale nationale. Aux librairies qui se respectent. Oui, et puis sur Internet aussi, le site de l'Harmattan. Voilà, donc écoutez, comme disait William Sassine, il disait écrire, c'est dire qu'on est là. Vous, vous connaissez certainement William Sassine. Absolument. Voilà, donc pour vous, pourquoi vous écrivez ? Première question. D'abord, je vous remercie Jean-Marie et Bruno de m'avoir invité ici. Je suis très content et j'encourage votre émission à être un lieu de réflexion critique et du débat. C'est, j'écris pour susciter la réflexion et le débat dans la communauté. Je donne mes opinions, mes idées et je les soumets à l'examen du public. Voilà, avec mes imperfections, mais aussi mes intuitions fondamentales qui me font écrire. J'écris en théologie, en philosophie et en sociologie politique parce que je crois que l'Afrique, aujourd'hui, dans la mondialisation, a besoin des auteurs qui prennent à cœur les questions d'Afrique et qui proposent des solutions, parce que la crise africaine ne peut, ne fait que s'empirer et s'aggraver. Voilà, j'écris pour apporter ma pierre dans la construction d'une autre Afrique, une Afrique debout, libérée des esclavages et de toutes les chaînes qui la tiennent accroupie et coincé. Voilà, donc Dieu crucifié, le Dieu crucifié en Afrique, Benoît Awazi Bambi Kungwa et Panorama des théologies négo-africaines anglophones. Alors, première question, Bruno, vas-y. Top, Bruno. En quelques mots, en fait, est-ce que vous pouvez nous présenter Panorama des théologies négo-africaines anglophones ? Merci beaucoup. Ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai écrit un autre en 2002. Qui était le panorama de la théologie négro-africaine contemporaine, en quelques mots anglophone, parce que j'ai pris toute l'Afrique anglophone cette fois-ci, Ghana, Nigeria, Afrique du Sud et surtout les Afro-Américains. Et je me suis rendu compte que nos frères Afro-Américains ont beaucoup aidé les théologiens de la libération de l'Afrique du Sud à se libérer du joug de l'apartheid. Donc la dimension théologique a été déterminante pour la libération de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Qu'est-ce que vous voulez dire la dimension théologique a été en termes beaucoup plus simples. Pour quelqu'un qui, monsieur, madame, tout le monde qui est dehors, qui ne comprend pas que la théologie a libéré les Sud-Africains de l'apartheid en termes simples, c'est-à-dire les chrétiens sud-africains, alors sous le joug de l'apartheid, se sont basés sur leur foi en Dieu, parce que Dieu, c'est celui qui libère les gens. Déjà en Égypte, sur l'esclavage de Pharaon, mais aussi dans le désert. Alors, leur foi chrétienne leur a permis de ne pas totalement désespérer et de se mettre ensemble pour mettre fin à un régime diabolique, le régime raciste de l'apartheid. Donc, voilà. En fait, donc, ce passage de la théologie a été comme un renforcement de leur foi, de leur foi et puis de leur potentiel de libération et d'auto-libération. Mm-hmm. Parce que, sans vous interrompre, Jean-Marie, le problème de l'Afrique, c'est nous auto-libérer. Mm-hmm. La crise nous enfonce dans des esclavages qui ne font que s'empirer, qui ne font que s'étendre, comme une pieuvre. Mais aujourd'hui, exemple, ceux de l'Afrique du Sud sont parvenus à se libérer à cause de cette force, de cette énergie spirituelle que je retrouve aussi dans cette émission. Mm-hmm. Une énergie mystique et spirituelle pour que les gens se battent et se libèrent aussi, pas seulement dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Non, l'émission, c'est vrai. C'est, notre émission est mystique, c'est vrai. C'est pas pour rien que je le dis. Voilà. Parce que dans le Dieu crucifié, par exemple, si vous voulez que je commence, oui, dans le Dieu crucifié en Afrique, le problème, c'est, je suis parti de trois points, rapidement. D'abord, le livre part de ce que les auteurs allemands Jürgen Moltmann et Jean-Baptiste Metz ont écrit après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale a représenté une catastrophe, la fin de la modernité occidentale. L'Europe s'est effondrée en s'auto-suicidant. C'était la fin de l'Europe. Absolument, c'est la fin, c'est la fin. Ils sont vraiment tout à fait sans concession et c'est unanime. L'Europe s'est vraiment effondrée par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont fait comment faire une théologie, une foi en Dieu, après cette catastrophe qu'a représenté les deux guerres mondiales du XXe siècle. Alors, mutatis mutandis, en mettant maintenant par analogie en Afrique, je me suis dit, les quatre derniers siècles de l'histoire des Noirs sont jonchés, sont jalonnés par des catastrophes. Alors, 4 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation et 50 ans de dictature indigène postcoloniale. Tout à l'heure, on a cité quelques noms très courants de ces dictateurs. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que la spiritualité, au sens noble du terme, qu'est-ce que la mystique peut nous aider? Quand je dis spiritualité, ça signifie mystique, politique, sociale. Il ne s'agit pas d'être dans les nuages. Qu'est-ce que la foi, la spiritualité au sens fort du terme, c'est-à-dire la connexion avec les énergies divines, qu'est-ce qu'elle peut nous donner pour nous remettre debout? Alors, le Dieu crucifié en Afrique, comme j'ai dit, je suis parti d'un auteur allemand, Jürgen Moltmann, qui a écrit son ouvrage « Le Dieu crucifié » par rapport à l'Europe. Moi, j'ai dit en Afrique pour dire que 3 choses. Donc, vous avez fait un parallèle. Un parallèle, mais pour appliquer sur notre situation. Par rapport à la culture africaine. Par rapport à la culture africaine, absolument. Ouais. 3 choses. Premièrement, la foi au Christ, parce que pour nous, chrétiens, le Dieu, le Christ, fils de Dieu, qui est crucifié et ressuscité, la foi au Christ doit nous donner un potentiel de libération et de guérison. Ça signifie, parce que Dieu lui-même va jusqu'à la croix pour sauver le monde et l'humanité, il n'est pas question que des dictateurs, qu'ils soient blancs, noirs, africains ou ailleurs, quand je dis dictateurs, c'est aussi tous ces systèmes-là qui étranglent l'Afrique. Aujourd'hui, la mondialisation, s'il y a quelque chose qui est décidé ici, c'est l'Afrique qui va subir 1000% de la situation. Tout à fait, oui. Donc, la foi n'est pas seulement, alors là, je dirai quelque chose plus tard, mais la foi doit être un potentiel, un lieu de mise en crise, un lieu critique où les gens disent, on ne peut pas adorer les humains, quelle que soit leur puissance, militaire ou atomique. Dieu seul a le pouvoir sur notre souffle et à lui seul l'adoration. Première chose dans le Dieu crucifié en Afrique. Deuxième chose, j'ai voulu aussi insister sur notre propre autocritique. Il ne s'agit pas ici, pour moi, de mettre la pierre sur un seul côté. Nous avons nos problèmes. Ici, un jour, sur votre émission, vous avez mis un morceau de Didier Yango, mentalité africaine. Oui. Il dit qu'il soit en Afrique, en Chine, en Zambie, au Congo, en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, la mentalité africaine n'a pas changé. On va vous la passer, cette chanson, ne vous inquiétez pas. Absolument, j'aimerais bien, parce que c'est ici que je l'ai découverte. Vraiment, il fallait que vous la mettiez chaque samedi. Voilà, on va la mentalité n'a pas changé. Donc, quand je dis mentalité, où que nous soyons, nous ne voulons pas faire le bien. Où que nous soyons, le but, exemple, vous êtes là, si vous faites quelque chose comme un magasin, moi je serai là pour faire l'humain, c'est-à-dire pour détruire. Donc, c'est ce qu'on appelle en un mot la sorcellerie. Dans cet ouvrage aussi, j'ai dit que nous devons faire attention à cette mentalité de faire du mal aux gens. Ça s'appelle la sorcellerie. Et Dieu dénonce le mal. Dieu, il est contre le mal. C'est le diable qui est le maître du mal. Dieu, c'est le bien. Deuxième chose dans le Dieu crucifié. Et troisième chose, j'ai aussi dit que, alors, il ne s'agit pas seulement de se plaindre. Nous devons retrousser les manches et nous mettre au travail. Ce n'est pas seulement une affaire sociale et politique, mais d'abord les mentalités. Quand je dis mentalité, ça signifie l'amour entre nous. Combien de fois ici, nous nous bouffons, entre guillemets, les fesses pour des choses de jalousie, des tribalismes, des ethnicismes, des choses bidons, des choses qui nous font perdre le temps Et entre-temps, les autres avancent, comme dit de Dieu. Alors, parce qu'on parle de ça, nous, parce que nous, nous sommes une émission de terrain, nous sommes une émission de faits. Comment est-ce qu'on peut rattacher, relier ce que vous dites, ce que vous avez écrit dans votre livre, à notre réalité quotidienne ici au Canada, nous, nous l'Afrique du Canada, là? Parce que nous sommes venus au Canada, nous, comme vous l'avez dit vous-même, dans la chanson le dit, nous sommes venus avec notre mentalité. Mais comment est-ce qu'avec votre livre, on peut changer ou améliorer notre situation? Absolument. D'abord, merci Jean-Marie. J'invite, comme vous savez, c'est un livre de 350 pages. J'invite les gens à le lire. Alors, premièrement, première chose, Jean-Marie, je dirais la conscience, la prise de conscience de qui nous sommes. Et vous le faites ici. Quand je dis prise de conscience, ça signifie la communauté noire. C'est pourquoi, une parenthèse, j'ai commencé un centre de recherche sur la communauté noire, dont l'inauguration a eu lieu il y a quelques mois, et nous avons une activité chaque mois. Si nous voulons faire prendre les gens conscience que l'esclavage continue, et maintenant c'est entre nous. C'est-à-dire, pas seulement là, les dictateurs que vous avez cités, Itno et les autres là, tout ça, Bongo et les autres, mais aussi ici. Ça signifie que pour un bout de pain, nous allons nous détruire, nous allons, et moi je vais t'accuser ou bien accuser Bruno, parce que j'aurai un pain de plus que toi. Alors que les autres communautés ont déjà pris conscience que pour vaincre le système, il faut être solidaire. Donc, concrètement, Jean-Marie, soyons solidaires. Si tu ouvres une boutique ici à Rideau, moi je ne dois pas être le premier pour dire, ah, tu es Camerounais, moi je suis Congolais ou bien Zambien. Mm-hmm. Première chose, cet ethnicisme, cette pathologie tribale, elle est grave, elle est plus grave que le sida, la pathologie tribale. Parce qu'elle tue l'âme, elle tue l'esprit. Deuxième chose, vous avez remarqué que la spiritualité nous définit, qu'elle soit dans le rasta, le reggae, la spiritualité partout. Vous allez voir les noirs américains, dans les blues, tout ça, et les autres, là, c'est ça qui les a tenus, qui les a fait tenir contre l'esclavage. Les noirs en Afrique du Sud, chez nous aussi, dans les mouvements indépendantistes, Kimbangu et tout ça, Chimpanvita. On a les Mau Mau. Mau Mau, absolument, absolument, et tout ça, même Ouminiobé au Cameroun, tout ce monde-là. Donc, je voulais dire le deuxième point, après la solidarité, c'est prendre conscience aussi de notre potentiel d'action. Ça paraît abstrait, mais ça veut dire ceci concrètement. Croire que notre libération viendra de nous-mêmes, Jean-Marie. Le maître qui t'a rendu esclave ne pourra jamais de lui-même te libérer. Mais pour que nous le fassions, il y a la solidarité. Je récapitule mes deux points. Soyons solidaires et retroussons les manches, prenons conscience que nous avons l'énergie en nous, parce que on ne fait pas la théologie pour s'amuser. C'est parce que l'énergie divine est au cœur de chaque être humain. Si Dieu va jusqu'à la croix pour sauver l'humanité, Dieu ne tolère pas aucune dictature. Où sont-ils aujourd'hui, les Mobutu et les autres? Voilà, ça, c'est ça, on vous coupe. Après cette question, on va tout de suite à la pause. Monsieur Mushengeshi Katata, qui est un de nos invités, qui est en Allemagne, en fait, un industriel africain en Allemagne, il y a quelques semaines, disait dans une de nos émissions que pour un noir, Dieu doit être noir. Et vous, vous dites quoi? Absolument. Si Jésus-Christ a été crucifié, il n'était pas un noir. Très bien. La réponse est là. Alors, rapidement, mon Dieu, vous avez vu sur la photo de couverture là? Oui. Le Dieu crucifié en Afrique, les gens m'ont dit, mais il fallait un Dieu noir. Rapidement, c'était juste des questions éditoriales. J'ai cherché parce qu'il y avait le timing d'édition et une carte. Dieu crucifié en Afrique, exemple aujourd'hui, d'abord, je vais d'abord prendre quelques positions fermes. Oui. On nous a présenté en Afrique, à la colonisation, un Dieu blanc, européen. Le diable était noir, le Dieu était blanc. Ça existe ça, encore. C'est faux. C'est pas fini, là. Ça continue encore. Alors là, nous devons d'abord nous libérer mentalement. Nous devons nous libérer mentalement de cette obsession, de cette manipulation, de cette aliénation. Dieu n'est pas plus blanc que noir. Dieu. Le Christ crucifié, alors dans ce cas-là, il faut prendre le prototype du Proche-Orient. Ce ne sont pas des Blancs. Alors dans ce cas-là, si le Christ est arrivé même, il y a des recherches. Il y a un Congolais qui a écrit des ouvrages là à Paris, je vais te donner prochainement son nom, oui, qui a montré que le Christ était noir. Parce qu'il était en Égypte. Et puis il a été en Égypte, et tout à fait d'accord avec lui. Théologiquement, ça se défend. Il a été en Égypte, et même il était donc discriminé. Vous savez, quand dans les évangiles, on dit non, il est galiléen, son hébreu, c'est le galiléen, c'est un hébreu vraiment de paria, des gens, tout ça. C'est pourquoi on ne l'a pas accepté. On dit, comment est-ce qu'un type de Galilée peut être chef ici à Jérusalem? Donc, dire que Jésus est noir, et juste Jean-Marie, dans l'autre ouvrage, Panorama des théologies négro-africaines anglophones, oui, j'ai 60 pages sur les noirs américains. Pour eux, c'est évident. Comme James Cone, je le présente, Dieu est noir. La noirceur de Dieu. Donc là, tu me poses une question que j'ai abordée dans l'ouvrage. Il y a les Noirs américains, pour eux, Dieu est noir, et ce n'est même pas une question à discussion. Voilà, donc nous aussi, nous devrions être conscient que le Christ est noir parce qu'en s'incarnant, il est devenu l'un d'entre nous. Il a connu l'esclavage en Égypte, il a fui son pays. Combien de fois la diaspora, combien de fois nous sommes toujours en exil, on doit toujours quitter nos pays pour se réfugier par-ci, par-là. Combien de fois le Christ s'est réfugié en Égypte pour se libérer. Et il a été crucifié, c'était la mort des esclaves. La croix, c'est ça, c'est seulement des esclaves qui étaient pendus. Maudit soit celui qui est pendu sur la croix. C'est aussi un signe de malédiction, un signe de ceux qui sont esclaves. Donc Jésus est vraiment de notre côté. Voilà. Alors mes livres, mes deux livres, je termine par là, se situent dans le courant qu'on appelle théologie de la libération. Le Christ s'est fait noir pour libérer les noirs. Ce n'est pas pour le dire, ah, soit vous êtes sympathique, soyez esclave jusqu'à la fin du temps, ad vitam aeternam, libérez-vous, mettez-vous debout. Voilà le message que je lance ici, Jean-Marie. Voilà, donc, je suis content de le lancer ici. Voilà, donc ça me fait plaisir. Benoît Wazi Babinkungwa, Le Dieu crucifié en Afrique, c'est publié aux éditions L'Harmattan. Et Panorama des théologies négo-africaines anglophones, toujours publié aux éditions L'Harmattan. Ces deux ouvrages, on peut les trouver à la librairie des éditions Saint-Paul et dans toutes les librairies qui se respectent ici au Canada. Voilà. On fait une courte pause musicale, mesdames et messieurs, avec votre demande, mentalité africaine, on vous le passe. Merci beaucoup, Jean-Marie, je suis très flatté. Le singe, c'est un singe. Même si tu le mets dans n'importe quelle ville du monde, il restera toujours un animal de brousse, signé Prince Yango. Le milieu des palabres, je suis pas là. Le milieu de la jalousie, je suis pas là. Le milieu des hypocrites, je suis pas dedans. Amenez-moi ailleurs, oh, je ne veux pas. Tu aimes juger les autres, toi qui vas te juger. Africain, oh, maniaca. Les autres avancent pendant que nous reculons. Africain, oh, afinyambe kwadi. Nobri mi palava, oh, anode mi de. Nobri mi jalousie, anode mi de. People for Congo, ça avec nos brimi baloki yoga. Amenez-moi ailleurs, oh, je ne veux pas. Toujours critiquer, mais pas pour faire avancer. Africain, oh, maniakamai. On détruit en un jour, on ne construit pas en un jour, oui. Africain, oh, tu as laissé la poutre dans ton œil, oh, oh, oui. Tu vois la faille qui est dans l'œil de ton prochain. Changer ma vie, ah, oh, oh. Alors que toi-même tu n'as jamais changé. Ta peau est noire, ton cœur est noir. Pour cela tu veux vivre dans le noir. Des sujets qui n'ont vraiment pas d'importance, ah, oh, oh. On s'attarde dessus pour perdre le temps, oh, oh. Quand ils sont ensemble c'est pour nuire, oh. Tu ne lèveras jamais ensemble pour construire. Le mulet pas là. Oh, le milieu des méchants, je suis pas dedans. Le milieu du Congo, ça, je suis milieu pas des intrigants. Amenez-moi ailleurs, oh, je ne veux pas. Pour toi, l'Africain, le diable, c'est toujours l'autre, mais jamais toi-même. Voilà, on parle de Dieu colonisé. Non, non, on parle de Dieu crucifié, crucifié colonisé en Afrique. Absolument, Jean-Marie, tu peux dire ça aussi. Mais oui, c'est tu ça. Peux dire ça, c'est bien ça. Tu peux dire ça. Ce sera le titre de mon livre, je pense. Et je vais t'aider à l'écrire. Alors on continue. Le Dieu ici. Crucifié en Afrique. Panorama des théologies négro-africaines anglophones. Benoît Awazim Bambing Kungua aux éditions de L'Harmattan dans toutes les bonnes librairies. Donc, autre question. Vous connaissez sans doute le révérend Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, au Congo-Brazzaville. J'ai entendu parler. Ou Joseph Kony de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Pensez-vous sérieusement que la solution, la réponse pour sortir l'Afrique de siècles de marasme, causée notamment par l'homme blanc et sa soif de domination, soit la reconstruction par une reconquête de la foi chrétienne? Très bonne question, Bruno. Et j'y réponds dans l'ouvrage, je vais ici donner juste les résumés. Il ne s'agit pas de reproduire la foi chrétienne telle qu'elle a été transmise dans un système colonial et esclavagiste. Vous savez, aux Antilles, dans le code noir, les missionnaires demandaient aux noirs de se soumettre. C'était même, ils disaient qu'il y a même le pape. Dans mon ouvrage, alors les données sont là, Bruno, il y a les papes qui ont encouragé l'esclave. Alexandre VI et Nicolas V ont demandé aux blancs d'aller prendre les noirs, les guinéens et d'autres nègres et de les amener ici en Amérique latine parce qu'ils étaient beaucoup plus robustes que les Indiens. Mm-hmm. Un. Deux. Donc, pas question de reconduire la foi coloniale. C'est pourquoi j'écris cet ouvrage. C'est-à-dire, nous devons trouver notre propre modalité africaine de vivre la foi chrétienne, Bruno. Et parmi ces trois choses, c'est dénoncer tout ce qui est dictature, qu'elle vienne du Vatican ou des systèmes coloniaux, néocoloniaux. Mm-hmm. Moi, je parle ici, je n'appartiens à aucune église. Je suis un chercheur, un intellectuel, un écrivain indépendant. Mm-hmm. Une certaine église catholique a soutenu Mobutu chez nous. Mm-hmm. Très peu d'évêques ont parlé, quelques-uns. Je les rends hommage. Mm-hmm. Deuxièmement, parce que Dieu est crucifié en régime chrétien, qu'on soit blanc ou noir, nous devons faire confiance au Christ. Mm. Le Christ n'est pas lié à une institution, qu'elle soit le Vatican ou pas. Mm-hmm. Le Christ n'est pas dans une église avec des pierres. Même ici au Sacré-Cœur, ce n'est pas là qu'il habite. Le Christ est dans ton cœur. Troisièmement, et alors cette foi chrétienne doit être fécondée par notre culture, par notre mystique africaine. Mm-hmm. Et dans mon ouvrage, Bruno, la dernière partie, c'est comparaison, et très bien pour la question, mystique juive, mystique chrétienne. Non, plutôt mystique africaine. Parce que nous avons des points communs avec les juifs. Au niveau, moi-même, je travaille l'hébreu, j'ai enseigné l'hébreu. C'est proche du Swahili. Mm. Donc, nous devons, au contraire, à partir d'une posture, d'une assise dans notre mystique. Mm. Et curieusement, cette mystique a des accointances avec la mystique chrétienne, la mystique juive plutôt. Jésus étant aussi juif, nous devons nous trouver notre modalité originale, aussi bien dans la réflexion que l'action, de vivre notre foi chrétienne. Mm. Et mon ouvrage se situe dans cette ambition. Pourquoi? Une ambition. Pourquoi? Ah, nous avons monsieur Tête au téléphone. Bonjour monsieur Tête. Oui, bonjour. Alors, on prend rapidement votre question, on vous écoute. Bon, en fait, ce que je suis en train de dire, la littérature au niveau des Africains, ça c'est très bon. Il y a beaucoup d'écrits très intelligents. Mm-hmm. Mais la question est, comment vous portez ce message-là au grand public qui, lui, n'est pas à mesure d'aller dans les librairies? C'est cela qui libère. C'est le grand public, c'est la masse. Mais quand vous envoyez les gens dans les librairies, comment cette masse-là va participer? Merci c'est beaucoup. C'est la réflexion que les intellectuels doivent faire. Merci beaucoup, monsieur. La question est très pertinente. Je pense qu'une émission comme ici, là où nous sommes ce matin, c'est déjà un premier lieu de vulgarisation. Vraiment, la question est bienvenue, parce que comme vous savez, on ne peut pas tout faire en même temps. Je suis conscient qu'il y a le moment de l'écriture avec un public ciblé, mais nous devons vulgariser, monsieur. Exemple, cette question qu'on travaille ici à l'émission, si demain, dans nos réunions, parce que nous faisons des réunions, des fêtes et tout ça, même certaines églises. Il faut en parler. Si on pouvait en parler, puisque qui sommes-nous en tant que chrétiens? Est-ce que nous aliénons? Ou bien il y a une façon libératrice de vivre le christianisme. Mm-hmm. Voilà les questions pareilles. Je suis d'accord qu'on ne peut pas en même temps écrire pour le grand public et vulgariser. Les deux choses doivent se faire et ce n'est pas seulement à l'auteur de faire ça. Il faut les agir. Exemple, aujourd'hui, je suis conscient que j'ai atteint un certain nombre de gens et les gens vont en parler autour des matangas, autour des deuils, autour des mariages, autour des causeries, autour d'une bière, autour des chicken wings, des poulets puis de la bière. On doit parler des choses aussi qui nous mettent debout. Merci pour la question, monsieur. Merci. Alors, merci donc à tout le monde. Si vous permettez, on fait juste une courte pause publicitaire, je pense, et on revient tout de suite. Vous déménagez ou vous voulez envoyer de la marchandise? WIB Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. WIB offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur WIB Cargo Express pour vos besoins en service d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381. Le party le plus multiculturel de la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatineau. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim pour un tour du monde tropical à vous donner la chair. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compas, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé, décalé, zaïko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatineau. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Afrique Plus. Le numéro de téléphone, c'est le 613-562-5967. Vous êtes libre de nous appeler. Nous avons avec nous monsieur Benoît Awazi Babikungwa, qui est l'auteur de Le Dieu crucifié en Afrique, des éditions L'Harmattan, et le deuxième livre, Panorama des théologies négo-africaines anglophones. Alors, le quatrième point de l'entrevue avec nous, Bruno. On l'a déjà très bien abordé, mais on va continuer à pousser sur le même sujet. Comment l'Afrique, à l'heure où les sectes pullulent, les églises et autres types de croyances farfelues, se jouant ou se revendiquant du Dieu des chrétiens, pour mieux en fait racketter et mettre sous tutelle dans, d'une certaine façon les masses. Comment en fait on peut s'en sortir sans cette réappropriation des croyances ancestrales? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam, le christianisme sont entrés en Afrique par le sabre et le canon. C'est-à-dire que nous avions des croyances avant la venue des Blancs et des autres, comme les Arabes ou les autres qui sont venus. Absolument. Donc voilà, donc, la question. Oui, comment on peut s'en sortir sans cette réappropriation de nos croyances ancestrales? Très bien. Bruno, ta question est pertinente et très pertinente. D'abord, premièrement, j'applaudis pour ta question. Pas question de ma part de favoriser ces charlatans. Il y a un certain nombre de gens complètement illettrés qui disent que Dieu n'a jamais été à l'école. Chez nous, il y a un musicien Kofi qui dit Dieu n'a pas été à l'école. Zambak n'a qu'à la cité. Donc, ils disent que pour les choses de Dieu, on n'a pas besoin de venir ici à l'école comme vous êtes ici à Ottawa pour étudier, Bruno. Donc, pas question d'accepter des gens qui manipulent même Dieu lui-même, qui se sert du nom de Dieu pour racketter les gens et les réduire en esclavage. Combien de temps on a vu des pasteurs causer des divorces ici à Ottawa, à Montréal, parce qu'ils ont mis la main sur la femme d'autrui en disant que ton mari ne vient pas prier avec nous, il est avec le diable. Donc toutes ces âneries, toutes ces inepties, toutes ces idées irrationnelles et absurdes sont à combattre comme on combat la peste. En Afrique même, il y a des prêtres. En Afrique et ici aussi. Il y a des prêtres qui sont mariés, qui ont des enfants. Absolument. Ah, oui. Donc il n'est pas question ici pour moi encore de reconduire l'idolâtrie du Mobutu, ou bien du prêtre, ou bien de qui que ce soit. Ça, c'est un. Deux, nous devons, Bruno, garder le sens critique. C'est pourquoi on passe par l'écriture. Les choses de Dieu méritent aussi la réflexion. Nous n'allons pas y aller comme ça. Dieu n'a pas été à l'école. Chacun peut être pasteur, même si il n'arrive même pas dans la société à faire ne fût-ce qu'un parcours de 3 ans, d'un baccalauréat. Pourquoi toi, Bruno, après avoir fait des études, tu vas accepter qu'un homme illettré vienne faire la loi dans ta famille ou bien dans ta vie parce qu'il est pasteur? Loin de moi l'analphabétisme et la promotion du charlatanisme. Troisièmement, vous avez posé la question, c'est pourquoi j'ai dit, mon livre, c'est une réappropriation de la foi. Mais nous devons partir des bonnes choses de nos cultures. La solidarité, les ancêtres sont là, même là où nous parlons, ils sont invisibles, ils nous entourent. Ça, ce sont des choses que nous perdons en vivant ici dans le système. Un système basé sur le matérialisme, le positivisme et la manipulation mécanique. Donc, nous devons garder surtout la focalisation spirituelle et mystique de nos cultures et à faire, et je termine par là, et faire une réception critique et intelligente de la foi chrétienne. Il n'y a pas que la foi chrétienne qui va sauver l'Afrique. Les autres religions, aussi les religions traditionnelles africaines, dans mes ouvrages, c'est tout le premier, vous allez voir qu'il y a beaucoup, tous les théologiens africains que je présente se sont servis de nos cultures pour dire comment nous pouvons être chrétiens en nous asseyant sur nos bases culturelles, sur les valeurs de nos ancêtres, nos valeureux ancêtres qui servent Dieu et qui sont près de Dieu au moment où je vous parle et qui nous regardent et de là où ils sont fiers de nous. En tout cas, si on ne fait pas ce choix-là, si on ne prend pas ce chemin-là, dans 500 ans, parce que ça a pris 500, oui. Et 400 pour la colonisation, un autre siècle pour la colonisation. Voilà, donc, trois siècles d'esclavage, un siècle de colonisation, un siècle de dictature comme Déby Itno, Mobongo et les autres. Voilà, si on ne fait pas ce retour en arrière, on aura encore 500 années de tout à fait d'accord avec toi, Jean-Marie. C'est pourquoi ce livre, c'est juste pour réveiller. Hey, réveillez-vous, les gars. Il ne s'agit pas de s'empiffrer le ventre avec le macaroni et d'autres choses. Voilà, je suis tranquille ici, j'ai mes trois repas. Il n'est pas question de trois repas ici, Jean-Marie. C'est dire qui est l'homme noir et quelle est notre ipséité, quelle est notre essence métaphysique, quelle est notre ipséité, notre idiosyncrasie métaphysique. Alors maintenant, pour finir, parce qu'il faut finir l'émission. Malheureusement, il faut finir. Oui. Pour finir, le mot de la fin à Bruno et Jean-Marie, mais moi, je commence par dire merci de m'avoir invité. Je pense que vous me réinviterez encore ici. Oui, c'est tellement. Et je crois que la libération dont je parle, c'est une libération holistique. Par libération holistique, j'entends tous les aspects de notre vie sont concernés par la libération. L'esclavage, c'est comme une pieuvre, une couleuvre qui nous encercle. Et pour en s'en défaire, tu as dit ça, Jean-Marie, nous devons revenir à la source. Voilà. Voilà. Écoutez, merci. Donc, vas-y, Bruno. Merci d'être venu sur la libération holistique. Ça faisait partie des points que nous voulions aborder. Donc, vous nous aviez défini ça brièvement. Donc, c'est très intéressant. Donc, moi, j'aimerais dire à nos auditeurs, en tout cas ceux qui peuvent vraiment allez vous procurer Le Dieu crucifié en Afrique, ainsi que Panorama des théologies négro-africaines anglophones. Si vous n'avez pas la possibilité de prendre les deux, prenez au moins un des deux. Lisez-le attentivement si vous en avez l'occasion, car c'est vraiment intéressant. Et comme vous avez pu le voir dans l'interview, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et donc, continuez à vous ouvrir, continuez à aller chercher l'information. Donc, c'est aux éditions de l'Harmattan. C'est disponible à l'université Saint-Paul à la librairie, mais c'est également disponible dans les bonnes librairies. Il suffit de faire la commande si l'ouvrage n'est pas disponible. Donc, Le Dieu crucifié en Afrique, Marie. Voilà, donc pour terminer, comme disait le père Philippe Abiala, il faut quand même faire la citation. Le germe et le terreau. Il disait, le missionnaire plante, il ne s'implante pas. Mais on va vous poser cette dernière question. Les intellectuels africains, c'est vous qui le dites, d'après vous, doivent-ils vivre en Afrique ou en dehors du continent africain? Alors, l'Afrique n'est pas seulement un lieu géographique. En 10 secondes. En 10 secondes. Donc, ils doivent vivre et en Afrique et en dehors. Alors, tu vas me dire qu'une personne ne peut pas vivre partout. Oui, parce que il faut seulement. Donc, ce n'est pas seulement géographique, c'est la mentalité. Ils doivent vivre partout où ils peuvent augmenter le camp de la libération. Voilà ma réponse. Voilà. L'Afrique tout entière vous dit merci d'être passé à l'émission Afrique Plus. Merci beaucoup Jean-Marie et Bruno. Voilà. Merci donc, à vous d'être venus. Merci chers auditeurs. Il est 8h, donc on va vous laisser avec la suite. Je reviendrai encore dans vos ondes. Voilà, mesdames et messieurs, il est 8h à notre montre. Mike Mitchell est là. On vous rappelle de rester à l'écoute des programmes de CHOFM. Afrique Plus est terminé. Afrique Plus, c'est terminé. Bonne fin de semaine à vous et n'oubliez pas, ici l'Afrique maintenant. Voilà, donc visitez notre site internet www.afriqueplus.net et toutes les émissions y seront. Voilà. Vous pouvez également donc penser à nous envoyer vos commentaires. Jean-Marie, le site internet, le courriel. Info@afriqueplus.net. Voilà. Info@afriqueplus.net. Merci, bonne fin de semaine.